Dernière nuit, j'ai travaillé d'arrache-pied, sans mauvais jeu de mots bien sûr, sur un nouveau prototype de zombie. Un zombie qui ne se nourrirait pas de chair, mais plutôt de musique métal. Et pourquoi pas, imaginez avoir votre propre zombie qui effectuerait toutes vos tâches, telles que tondre la pelouse, repeindre la galerie, déneiger votre entrée l'hiver. Bref, les choses peu intéressantes à faire et qui ne comporteraient aucun danger pour vous, votre famille ou même vos voisins. Aucun risque. Tout ce que vous aurez à faire est de vous assurer que sa source de musique MP3 ne manque pas de batterie. Ne serait-ce pas merveilleux? Et comment cela fonctionnerait? Eh bien, je l'ai déjà dit, j'en suis au niveau du prototype. C'est donc à suivre. Mais pour pouvoir commencer, j'ai dû moi-même effectuer une tâche peu intéressante, exhumer un corps. Et c'est en creusant que m'est venue l'idée de la présentation mensuelle de ce soir, soit l'album marquant. Donc le mois d'avril s'attardera à Six Feet Under. Avouez, j'ai de la suite dans les idées. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque ces idées brillantes prennent vie à partir d'activités peu rassurantes. Pour le commun des mortels, bien sûr. Vous pouvez conclure que si je vous affirme que votre petite coupure au bras ne nécessite que quelques points de suture, qu'il soit fort possible que vous vous ramassiez momifié dans les barbelés. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated because I, Pendragon, said so. Go. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker, and I'm the devil. That is dangerous. He's a liar. The demon is a liar. The power of Christ compels you! We'll be right back. Cause isn't it wonderful living life afraid? I look around the corner, I might be lurking there. Onto the bed at night, you're out till dawn again. Looking blue. What in hell? What else can you do? I'm in my room, life hideous in your mind. Crying out, you've lost it all. It isn't worth a dime. What in hell? Your mind begins to fold. Aren't you going cold? What in hell? What are you looking for? What in hell? Should I close the door? moment ago, you said I was crazy. Tomorrow we'll see about that. Upon this town. c'est le 89.9. C'est fou, 89. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vendredi 29 avril, 21h30. Votre café-bar Le Zénob reçoit la gang de Vidéoville ainsi que Bessic Fantôme. Pour une soirée indie, post-rock, instrumentale, soyez avec nous au Zénob ce vendredi 29 avril pour le spectacle de Vidéoville ainsi que Bessic Fantôme. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 26 avril de l'an de disgrâce 2016, je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, nous avons entendu les Américains de Exodus et leur pièce Star Spangled Banner qui ouvre l'album de 2004, soit Temple of the Damned. Qui, si je ne m'abuse, était à l'époque le dernier album auquel contribuait le chanteur Steve Souza, avant bien sûr de revenir avec le dernier album qui est paru il y a de cela, en fait déjà, je dirais pas tout à fait 2 ans, là, mais on parle précisément du 10 octobre 2014. C'était apparu sous étiquette Nuclear Blast. C'est un des bons albums d'Exodus. Et ceux d'entre vous qui n'apprécient pas nécessairement le vocal de Souza, eh bien, je vous dis... Juste avant, nous avions la formation de Nouvelle-Écosse Sanctuary. Et la très bonne pièce Vermin Lord qui est tirée sur leur dernière parution, soit Winter's Doom, qui est un album, à ma foi, fort intéressant, une formation canadienne, bien entendu, qui initialement vient du Yukon, de White Horse, qui donne dans un thrash metal relativement traditionnel. Et j'affirme encore aujourd'hui et ce soir qu'ils me font vraiment penser par moments à Nuclear Assault. Et ce n'est rien pour les discréditer, parce que j'aime beaucoup Nuclear Assault. Je trouve que la sonorité, en fait, la production de cet album, Winter's Doom, est vraiment très bonne. Et ce que j'apprécie ici avec Sanctuary, c'est que contrairement à beaucoup de formations métal, il n'y a pas d'over distortion sur les guitares. Ça sonne beaucoup plus overdrive que metal distortion et ça donne une netteté à ces guitares, à ces jeux de guitare qui, ma foi, est fort appréciable. C'est indépendant comme sortie d'album. Juste avant, nous avions la très, très, très bonne pièce de Coroner, Paralyzed, Mesmerized, qui est tirée du dernier album studio original complet, soit Grin, qui est paru en 93 sous étiquette allemande Noise. J'ai toujours été un fan de Coroner depuis que je les connais, c'est-à-dire hier. Mais non, c'est une blague. Avant-hier. Ils ont des pièces qui sont très marquantes. En fait, pour moi, dont Paralyzed, Mesmerized, qui est une excellente pièce, un très bon mouvement à l'intérieur, je dirais quelque chose de très original. Et bien entendu, vous aurez probablement, et j'ose l'espérer, reconnu en ouverture de bloc que la formation ontarienne, torontoise, soit Honey Later, et la pièce Alice in Hell, qui est tiré de Alice in Hell, qui était le premier album paru le 17 avril, le 17 avril 1989, dont il y a un peu plus de 27 ans maintenant, à quelques journées près, je dirais à 9 jours plus tard. C'est paru sous étiquette Roadrunner. Et moi, personnellement, Annihilator, je trouve que je les ai vus une fois, je suis certain, deux, je suis pas certain, mais en spectacle, c'est un bon spectacle. Jeff Water donne un bon spectacle. Il est très entertainer avec sa foule. C'est aussi un chic type. Mais studio, je dois dire que des fois, je trouve que ça sonne un petit peu mou. Mais Alice in Hell est un des bons albums de la discographie de Honey Later. Évidemment, ce soir, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est la dernière émission du mois, donc il y a une partie de l'édition qui sera consacrée à l'album marquant. Qu'est-ce que l'album marquant? C'est pas de vos maudites affaires. Donc, on va passer à un autre appel. Oui, bonjour. Non, c'est une blague, encore une fois. L'album marquant, ce que c'est? C'est un album que je choisis une fois mensuellement, ou si vous préférez, une fois par mois, si vous comprenez mieux avec cette expression plus minimaliste, voire simpliste, qui met en vedette, si on veut, un album métal, bien entendu, pour les besoins de la cause, qui m'aura marqué au fil des années, et ce, depuis les décennies, depuis le moment où j'ai débuté à écouter du métal, soit il y a, ma foi, bien longtemps. Une fois par mois, je retire un album parmi la discographie qui est dans la morgue, bien sûr, qui est épousté régulièrement par tous mes gentils zombies hommes de ménage, et j'en fais la présentation, c'est-à-dire à raison d'une face, si on veut. Considérons que ce sont des extraits d'albums qui sont originellement souvent parus en vinyle, ou quoique maintenant c'est encore le cas aussi. Je présente une face complète, soit généralement la moitié de l'album ou à peu près. Donc ce sera ce soir sur Six Feet Under. Je vous reviens avec ça un peu plus tard dans l'émission, soit vers 10h45. Je serai plus là à cette heure-là. Ça va être bien avant, bien entendu. J'aurai aussi ce soir une chronique cinéma qui est relativement bien garnie et jusqu'à un certain niveau relativement ordinaire, mais avec d'excellentes sections. J'aurai aussi une chronique musicale qui, cette semaine, est aussi un peu plus garnie qu'à l'habituel, c'est-à-dire deux albums au lieu d'un. Non, c'est pas vrai. Il y en a peut-être 4 ou 5, là. Je sais plus. J'ai pas regardé. Peu importe. J'ai regardé, mais je m'en rappelle plus. Mais on va continuer musicalement cette fois-ci avec une formation en début de bloc qui, je dois dire, que j'avais lamentablement oublié, et je ne sais pas pourquoi, et c'est grâce à DJ Tower of Death de l'émission Subversion que je me suis rappelé l'existence de cette formation. Formation qui, à l'époque, Sinistros m'avait introduit à l'émission ici même en présentant, mais je peux pas vous dire quel album exact c'était, mais j'avais trouvé que c'était très, très, très, très correct. Je parle de formation Vector. Vector qui sortira un nouvel album sous peu, c'est-à-dire le 6 mai prochain, et si je ne m'abuse, c'est vendredi de la semaine prochaine, soit l'album Terminal Radiox. J'ai vraiment hâte d'écouter cet album parce que je me suis dit, ben oui, je vais aller écouter ça et que j'ai bien aimé Vector. Je me suis rappelé de, merci beaucoup Tower, je me suis rappelé un bon métal. Donc on va écouter tout de suite ce bloc avec une pièce tirée de l'album Black Future qui est paru en 2009. La pièce titre, et je vous donne un mise, c'est quoi? Oui, c'est ça, vous avez gagné, c'est Black Future Vector. Go! The Emperor's Let's go. du monde vous offre des entrevues, l'actualité musicale internationale et un top 5 chansons du monde. C'est un rendez-vous tous les jeudis, 17h. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matin à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis. À Trois-Rivières, c'est le 89.9. C'est fou. C'est fou. h 07 et tout va mal. Vous êtes à réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de Cifou 89.1 FM et jusqu'à 21h. On vient d'entendre c'est cela avant la pause publicitaire. Formation floridienne Molly Valen Creation. J'ai dit floridienne. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Et la pièce Fragmental Sanity s'est tirée de leur 12e et dernier album en date d'aujourd'hui, Dead Man's Path, paru un peu plus tôt, en 2015 sur étiquette Century Media. Juste avant, nous avions Hail of Bullets et la pièce pour le mérite qui est tirée de Third de Rommel Chronicles, paru en 2013 sur Metal Blade. C'était aussi le dernier album auquel contribuait le chanteur Martin Van Dronen, qui n'est plus avec Hail of Bullets, malheureusement pour moi. Nous avions une formation européenne Eight Sphere et la pièce Line Crossed Lives Hot tirée de New Hell, dernier album paru aussi pour cette formation Eight Sphere, paru en 2015 sur Massacre Records. At the Gate, c'est tiré du dernier album et bon album At War with Reality, soit le Circular Ruins. Paru sur Century Media, vais-je le dire, la fin de 2015. Nous avions ouvert avec l'excellente formation Vector. Vector qui nous vient de la Pennsylvanie, aujourd'hui de la Pennsylvanie et initialement de l'Arizona. Formation qui donne dans un progressive trash metal tiré de Black Future, la pièce titre de cet album paru en 2009 sur Heavy Artillery. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le 6 mai prochain, soit vendredi, pas cette semaine, parce que cette semaine c'est le 29, mais de l'autre semaine, c'est le nouvel album de Vector, soit Terminal Radio, ce qui sera disponible sous étiquette E-Rakes Record à partir de CD et de Long Play, c'est-à-dire de vinyle. Voyons, ici l'air est exécrable, comme dans le reste de ma morgue d'ailleurs. Voici côté musical, veux-tu te taire, toi? L'orchestre de zombies en arrière qui se fait aller. Nouvel album pour Aborted, formation belge, et l'album Retro Gore, qui est disponible dès maintenant en CD et en vinyle aussi. Je me propose de le présenter à l'émission de la semaine prochaine. J'en parlerai amplement un peu plus la semaine prochaine, mais je peux vous dire que j'ai pas détesté du tout. Formation que je ne présenterai pas à réanimation, mais que je vais présenter à Rock Classic ce vendredi. Une formation canadienne qui donne dans un stoner southern metal, c'est-à-dire A Rebel Few, et l'album As the Crow Fly. Ça aussi, je vais en parler ce vendredi à Rock Classic, mais ça, j'ai pas mal aimé ça. Et allez sur le site officiel de A Rebel Few. Vous allez voir qu'ils sont pas mal trippants, parce qu'en arrivant sur le site, on les voit jouer. C'est pas mal bon ce qu'ils font. Autre formation que j'ai découvert, une formation américaine qui donne dans un trash groove metal et que je vais présenter aussi la semaine prochaine à réanimation, il s'agit de Insight et l'album Oppression qui est paru sur Minus Head Records, qui est disponible en CD et en format digital. C'est une belle découverte en ce qui me concerne, cette formation trash groove metal, qui met en vedette au niveau du vocal Richie Cavalera, qui est le beau fixe, oui, je suis rendu en Astérix, moi-là, le beau-fils de Mass Cavalera. Donc, je vous en parle plus en détail la semaine prochaine. Et autre truc, peut-être que je vais le passer aussi, là, je sais pas, mais je commence à avoir beaucoup de stock la semaine prochaine. C'est une formation italienne. Présentement, l'Italie là, est vraiment à l'avant-scène au niveau des sorties métal et des choses intéressantes. Je parle de Darkened, qui donne dans un symphonic horror black metal. Oui, le terme black metal dans la bouche du docteur, c'est étrange, mais c'est parce que c'est tellement plus éclaté que le black standard. L'album était The Canticle of Shadows sur Non-Savium Records, et c'est disponible actuellement. Et je dois dire que c'est vraiment, c'est tout autre chose que le black metal standard. C'est très original, c'est très éclaté, ça comporte beaucoup de contrastes. C'est un band qui n'a pas de corpse paint, ça me plaît beaucoup en partant. Darken a le don de nous transporter dans diverses sphères, des ambiances d'horreur qui s'entremêlent avec ça, qui sont pas pour me déplaire, évidemment. Espèce de chaos musical, mais qui est structuré. C'est vraiment une belle découverte pour moi, cet album de Canticles of Shadows de Darken. Et je vais essayer de lui faire une place la semaine prochaine, ou du moins dans les prochaines semaines, certainement. Le moment est venu pour la présentation de cet album marquant, mensuel, donc de ce mois d'avril. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai retenu Six Feet Under, leur deuxième album de 97, Warpath. Ce qu'il faut savoir avec cette formation qui est, elle aussi, formation floridienne de Tampa, qui existe depuis 1993, c'est que au moment où on se parle, eh bien, il ne reste que Chris Barnes de la formation originale dans le band. L'autre membre étant le plus ancien, et Steve Swanson à la guitare, qui est là depuis 98. Bon, 5 ans plus tard, c'est quand même relativement, lui aussi, on peut dire, un vétéran de la formation. Personnellement, avec le premier album qui est paru en 95, soit Haunted, j'ai été pas mal accroché tout de suite avec cette formation-là, qui donne dans un death metal, aujourd'hui un peu plus groove, voire parfois death and roll, très minimaliste, oui, mais en même temps, je dirais très efficace. Faut aimer le genre, bien sûr, faut aimer le vocal de Chris Barnes, que je préfère beaucoup avec Six Feet Under que alors qu'il était avec Cannibal Corpse, où je trouvais que c'était du criage, de l'égorgement, de tout simplement inutile. Il l'a fait encore avec, bien sûr, Six Feet Under, mais de façon plus modérée, et aujourd'hui, il le fait pratiquement plus. Donc, Warpath, qui est paru précisément le 8 septembre 97 sous étiquette Metal Blades, c'est un album que j'aime énormément. Je vous présente ce qui serait la face B de cet album, et on va débuter tout de suite avec la pièce Manipulation. Vous êtes de réanimation jusqu'à 21h. Go! Hey, this is Chris Barnes. You're listening to the crazy Dr. Pendragon on CFOU. Rip your ears off and let your brain bleed out. For the removal of any adverse, viral, or virus that is found on your computer. Seeing these messages means that you possibly have it installed on your computer, which puts the security of your personal data at serious risk. It is strongly advised that you call the phone number provided and get your computer scanned before continuing to use your internet. Important security message. Please call the number provided as soon as possible. You will be guided for the removal of any adware, spyware, or virus that was found on your computer. My mind is mine. No one else's. Manipulation. Now it's too late. They're gonna take away my freedom. Every day of my mind. You just want to. Every day of my mind. If you take my mind is mine. No one else's. My mind is mine. No one else's. Manipulation. Don't speak to me about freedom. Don't speak to me about being free. Don't speak to me about freedom. Don't speak to me, it's just a fucking lie. Voice, darling. The hour has arrived. take effect. Although it's on my bones, the doctor held me up against my soul. Thoughts and things you've always known, thoughts and things you've always known. Break through and listen to yourself, to yourself. There's no presumption into true reality. There's no perception into true reality. There's no perception. I can see through my third eye. There's no perception into true reality. There's no perception. I can see through my third eye. Let go perception into true reality. It's 420. My life, faithful, the rest. soon get by and sleep. The end. It is a nation. Don't it seem fun? Oh, thoughts. And pain. Alone now. Waiting to die. Last time. Don't let me die this way. Don't let me die. Don't let me die this way. Don't let me I wish that I could just sleep. And without Consécutive, CIFU 89.1 FM devient la radio officielle des Aigles Canames de Trois-Rivières. Radiodiffuseur pour tous les matchs locaux ainsi que les matchs sur la route de Québec, ne manquez rien de l'action des Aigles de Trois-Rivières dès le 19 mai à l'antenne de CIFU 89.1 FM. Visitez le CIFU.ca et notre page Facebook pour les demandes de publicité lors des matchs. Mardi 26 avril à 13h30, venez assister à l'Assemblée générale annuelle du journal Zone Campus et de la radio CIFU 89.1 FM. Une consommation vous sera offerte sur place. À la Chasse-Galerie, mardi 26 avril, 13h30. CIFU. 20h37. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. On vient d'entendre la phase 2 de cet album Warpath, le deuxième à être paru, album studio complet, bien sûr, de la formation Six Feet Under. C'était en 1997. Et lors de la première pièce, vous avez entendu une espèce de background. Ben, je peux pas vous dire pourquoi, mais il y a une espèce de fenêtre qui est apparue sur... sur Internet avec un message. Bon, peu importe. On vient d'entendre Cage and Disgraced. Juste auparavant, nous avions Night Vision. C'était précédé de As I Die, l'excellent Revenge of the Zombie, 4.20 et en ouverture, Manipulation. Album qui, ma foi, a eu quand même... Il y avait eu un accueil relativement peu chaleureux, je dois le dire. Pourquoi, je ne sais pas. Possiblement parce que... c'est vrai que le vocal de Chris Barnes à l'occasion peut être un peu écorchant, surtout quand il se met à aller dans les hautes fréquences. Lui qui n'est pas un très bon chanteur, il devrait se limiter à faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire le growl et le grognement. Mais quoi qu'il en soit, musicalement, moi je trouve que ça fait très bien le travail. Ils ont des albums à travers leur discographie qui m'ont moins plu, évidemment. Si je fais référence, par contre, peut-être à... Ben, je dirais Bringer of Blood, peut-être un petit peu moins. Commandment, un petit peu moins. Mais si je me rattache à Crypt of the Devil, qui est le dernier en liste de 2015, Unborn et Undead, entre autres, ce sont de très bons albums dans le genre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça a bien le coup. Excellent, merci. OK, ça va faire. Là. Bon. Côté cinéma, eh bien, oui, j'ai vu des trucs intéressants, très intéressants, et oui, j'ai vu des trucs qui étaient plutôt décevants. Je vais commencer par les pires, je crois. Je parle du film The Fifth Wave, film qui est paru cette année, et qui donne supposément dans... Oui, non, je serais d'accord à dire que c'est de la science-fiction et de l'aventure. C'est un film de G. Blakeson, mettant en vedette Chloé Grace Moretz, Nick Robinson et Alex Rowe, que je ne connaissais pas, et qui raconte des vagues d'attaques extraterrestres sur la Terre. Ils en ont subi 4 et la 5e devrait être l'annihilation de la race humaine. Ça débute assez bien, je dois dire, comme film, parce que c'est assez grandiose. Bon, les catastrophes, ces attaques provoquent des raz de marée, voire des tsunamis, c'est la destruction, et ainsi de suite. Et ça raconte l'histoire d'une famille, d'un père monoparental et de sa... jeune adulte ou fin de l'adolescence et de son fils, plus jeune enfant qui a peut-être une dizaine d'années, 8 ans, 9, 10 ans, je sais pas, et qui quitte la maison parce que soudainement il se rend compte que ce qui est arrivé, ben, c'est dû à la présence d'extraterrestres qui, on peut à l'instar, si on veut, voyons, comment ça s'appelait déjà ça? Independence Day, des vaisseaux aliens de très grand format qui se sont mis stationnairement au-dessus de certaines villes à travers la Terre. Ben, ça débute bien, mais ça devient rapidement un film pour adolescents. Et comme je l'ai dit dans ma chronique sur le site de réanimation AD.com, ben, il y a plusieurs années que je ne suis plus un adolescent. Ben, physiquement, pour le moins. Peut-être qu'à l'occasion, mentalement, je le suis encore, mais pas suffisamment pour apprécier ce genre de film, donc ça m'a pas vraiment plu de Fifth Wave. Autre truc que je croyais avoir bien misé, c'est un film, trailer avec annotation policière qui s'appelle Misconduct, qui est encore un film de cette année, qui met en vedette Anthony Hopkins, Al Pacino et Josh Duhamel. Ben, moi, j'aime bien Anthony Hopkins et généralement, Pacino, je trouve qu'il a fait des choses intéressantes. Mais je me suis fait prendre parce que, faut le savoir, ces acteurs vedettes-là, qui sont maintenant vieillissants, faut bien le dire, souvent vont accepter des rôles qui vont être secondaires. C'est-à-dire qu'on met leur nom, en gros, sur les affiches pour la promotion des films, mais dans les faits, on n'y voit pas tant que ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Misconduct. Évidemment, c'est Josh Duhamel qui est la vedette. C'est un jeune acteur qui est la vedette de ce film et il raconte l'histoire d'un jeune avocat ambitieux qui se met en tête d'attaquer le puissant dirigeant d'un gros groupe pharmaceutique pour fraude et ainsi de suite, chantage et corruption. Bref, ça prend au moins les deux tiers du film avant d'arriver à quelque chose qui devient intéressant, mais assez intéressant quand même, mais la longueur d'avant, soit les premiers tiers, ben, je dois dire que c'est un petit peu ennuyant, puis on se demande où on va nous amener. Donc, divertissant, à la rigueur, mais il y a bien d'autres choix à faire avant celui-là, comme de se taper la sixième saison de The Walking Dead que j'ai terminée et que je dois dire que j'ai apprécié au plus haut point. C'est une excellente saison pour The Walking Dead, cette sixième. Et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié les revirements de situation, les surprises et même les fausses pistes qu'on nous donne à un certain moment donné. Et j'avais lu que plusieurs fans avaient été très déçus de la fin, alors que moi, je l'ai trouvé tout à fait correct, cette fin, qui nous met la table pour une septième saison. Bon, faudrait quasiment espérer que ce soit la dernière pour pas que ça dure et que ça traîne en décadence, mais la sixième saison est vraiment excellente selon mes goûts, et je les respecte au plus haut point, je dois le dire. Autre série je n'avais pas encore débuté, ou en fait qu'à peine débuté, et dont présentement je suis à peu près à la moitié, c'est la série Outsiders de Peter Mattei, qui met en vedette David Morse, Joe Anderson et bien sûr Ryan Hurst. Si vous êtes amateur de Sons of Anarchy, ou si vous l'avez été, ben vous vous rappelez certainement de Hoppy, personnage important dans la série, et bien c'est Ryan Hurst qui joue ici le rôle de Little Foster Farrell, et ça raconte l'histoire d'un clan, les Farrell justement, des Hillbilly qui vivent dans les Appalaches, dans le Kentucky, et qui fabriquent du moonshine, qui sont parfaitement hors la loi, qui ne veulent pas se conformer à aucune loi, qui ne croient pas à l'argent, qui croient que simplement on peut vivre de ce qu'on fait, c'est-à-dire chasser, voler, troquer et cultiver, se saouler allègrement, et de ne pas avoir à jamais à se conformer à ce qu'est la civilisation. C'est vraiment très original comme série. C'est vraiment quelque chose de jamais vu. C'est relativement lent, si on veut, dans les premiers épisodes, mais c'est pour nous mettre en place vers des éléments qui sont très importants. Et c'est vraiment très bon, Outsiders. La semaine prochaine, je vous parlerai des films The Circle, un film fantastique, et ainsi que Intruders de 2015. Ne pas confondre, il y a eu Intruders avec, entre autres, Clive Owen. Ce n'est pas celui-là. Je parle ici d'un film de science-fiction à connotation aventure. Donc, ce sera les films dont je vous entretiendrai minimalement la semaine prochaine. N'oubliez pas que cette semaine, dès 11h, ben, je dis 11h. Est-ce que le Rockmaster va débuter à 10h cette semaine encore? Je ne le sais pas. J'ai pas eu de confirmation. Mais enfin, moi, je suis là à partir de 11h pour une autre édition de Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Et cette semaine, nous allons terminer le spécial 1966 qui comportait, ma foi, énormément et beaucoup trop de choses pour être condensé dans un seul épisode de la semaine dernière. Pour poursuivre avec une programmation dite plus régulière, mais avec énormément de nouveautés à vous proposer. Les albums classiques, bien entendu. Capsule, ça passe ou ça casse. Les éphémérides. Et bien sûr, la chronique qui me fait un plaisir toutes les semaines de renouveler, soit la faune et les amateurs de rock. Bref, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de rock. Et si vous n'aimez pas le rock, ben écoutez pas rock classique, voyons. Mais je suis certain que vous allez être là dès 11h jusqu'à 17h. Ici même, c'est Fou 89.1 FM. Autre truc que vous devriez écouter, c'est ce vendredi 18h30, c'est l'émission Subversion de DJ Tower of Death qui nous amène une formule d'une émission métal d'une heure qui est souvent très rafraîchissante. Je pense à son Metal for Breakfast, je pense à ses entrevues, je pense à ses publicités qui sont fort intéressantes. Bref, une émission pour les amateurs de métal qui, je vous dirais honnêtement, très divertissante. Et si vous voulez avoir d'autres opinions que mes chroniques sur le site de réanimation AD.com, que ce soit au niveau musical ou cinématographique, ben allez voir mon ancien collaborateur et assistant Sinistro sur le blog de hurlemort.com. Bon, mes Mes plugs sont toutes faites, moi, là. Ceci étant dit, la semaine prochaine, je vous proposerai le nouvel album de Aborted, cette formation death metal belge, et l'album Retrogore, si vous préférez, qui vient de paraître à l'instant. C'est un album que j'ai bien apprécié jusqu'à présent. Et un autre d'une formation italienne qui porte le nom de Insight, et l'album Oppression, dernier album paru de cette formation, qui donne dans un groove trash metal. Assez intéressant, je dois dire. Et très belle présentation graphique, en plus, de cet album de Insight Oppression. Et peut-être, je ne sais pas encore, mais qui sait, peut-être que j'aurai la possibilité d'inclure, je dirais, un extrait, parce qu'ils sont très longues, leurs pièces de Darken. Et formation qui donne dans le Symphonic Horror Black Metal, l'album étant Canticle of Shadows. Si ce n'est pas la semaine prochaine, je vous promets que ça va être l'autre, parce que ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Ouais! On poursuit musicalement cette fois-ci avec justement Aborted, formation belge, et la pièce Termination Redux, qu'on retrouve sur le nouvel album Retrogore, mais qui est apparu sur le EP Termination Redux, qui est paru le 18 janvier dernier, sous l'étiquette Century Media. Et on va poursuivre avec Abysmal Down et la pièce Twilight Fallen, tirée de l'album de 2008 Program to Consume. Vous êtes en réanimation. Go! Yeah!

La formation Abysmal Down et la pièce Twilight's Fallen tirée de l'album Programmed to Consume. C'était le deuxième album studio complet de la formation paru en 2013 sur Nuclear Blast. Juste avant, nous avions Aborted, la formation belge, et Termination Redux, qui est la pièce titre de ce EP paru le 18 janvier dernier, 2016 bien sûr, sous Century Media. Et la semaine prochaine, je vous propose les extraits de ce nouvel album de Aborted, Retrogore. Je suis temps de vous dire que dans quelques, je ne sais plus combien de temps, 3 minutes, ce sont Alex de Matière Noire et son invité spécial, le retour de l'enfant prodigue, puis je vous dis pas qui. Et je vous laisse sur une dernière pièce de Immolation, en fait, une partie d'une pièce d'Immolation qui est The Great Sleep, tirée de Kingdom of Conspiracy. Je vous retrouve la semaine prochaine pour 19h pour une autre édition de réanimation. Et d'ici là, bien entendu, je vais rester poli avec vous parce que voici mon mot de cabane. Allez tous vous faire foutre. Ciao!